vous suffira d'être un peu coquette. Qui dit amoureux ne dit pas amant. Je serai donc un peu coquette. Aux galants, sans vous exposer, ne songez pas à refuser votre main pour quelques baisers. Oui, ma main pour quelques baisers. Et si jamais il vous propose, sans hardissant quelque autre chose, baissez tout doucement les yeux. Je baisserai ainsi les yeux. Bravo, divin, on ne peut mieux. À la singulière aventure. Glissez toujours, mais sans tomber, se promettre et se dérober. À la singulière aventure. À la singulière aventure. Glissez toujours, mais sans tomber, se promettre et se dérober. Dites-vous, sous ces feuillages, l'éclair de l'étude, au jardin s'en vont rêvant à la voisine. Choisissez vite l'un des trois, et pour l'amour de moi, devenez sa cousine, Jacqueline. Tiens, mon ami, j'y tâcherai. Je suis de semaine, je dois m'en aller au quartier. N'épargnez pas votre peine, cherchez-nous vite un chandelier. À la singulière